Chapitre 7e. Le Mandchou eut un soubresaut tellement violent que si Kotéruka ne l'eût retenu, il eût roulé sur les marches et fût tombé dans le puits. « Lâche-moi » grommela-t-il d'une voix sourde. « Lâche-moi ou gare à la vengeance du scorpion. »« Justement, tu vas m'expliquer ce que c'est que ce scorpion, de la vengeance duquel tu me menaces, » fit Kotéruka froidement. « Et dépêche-toi ou je t'envoie dans le puits. » Le scorpion, c'est le maître des jaunes et des blancs. « Lâche-moi !» répéta le prisonnier en essayant, mais vainement, de se libérer. Ikoteruka l'empoigna par les épaules et le souleva. « Qui est dans ce puits ? Réponds, ou je t'y jette » gronda-t-il. Le Mandchou eut un tremblement. Ikoteruka n'avait qu'à le pousser pour qu'il tombât dans l'ouverture béante située trois marches plus bas. « Je ne sais pas, » balbutia-t-il. « C'est un blanc. » « Quel blanc ?»« Le fou. Ne me jetez pas. Ne me jetez pas. » Ikoteruka ne répondit pas. Du puits, le même cri d'angoisse qu'il avait déjà entendu retentissait, un cri semblable à un sanglot. Un cri sinistre. « Afo faisait partie de la bande du scorpion ? » demanda-t-il, penché vers son prisonnier. À la clarté de sa torche électrique, qu'il avait posée sur une marche, il vit luire les yeux du bandit. Il se retourna. Deux autres Mandchous descendaient. Ils étaient chacun armés d'un long poignard. Ikoteruka, d'une poussée, envoya son prisonnier rouler dans le puits. L'homme poussa un cri d'épouvante et ce fut tout. Le grand détective, se retournant, ramassa vivement sa torche électrique qu'il éteignit et, tête baissée, fonça vers les nouveaux arrivants. Les deux Mandchous, surpris par cette attaque rapide, n'eurent pas le temps de se concerter. Ikoteruka, qui avait calculé le moindre de ses mouvements, aplatit un de ses ennemis contre la muraille en lui portant un formidable coup de tête dans le ventre. Puis, d'un élan, il passa. Il sentit le poignard du second Mandchou érafler légèrement son épaule droite et, dans les ténèbres, escalada les marches, cependant que derrière lui retentissaient les clameurs des célestes et leurs piétinements précipités. Le célèbre détective était doué d'une mémoire prodigieuse. En descendant, il avait repéré les petits détails de l'escalier, aussi bien que, plongé dans l'obscurité la plus complète, il retrouva facilement la porte de l'escalier, traversa le réduit où il était arrivé par la cheminée, s'introduisit dans cette dernière et, jouant des coudes, des pieds, des mains et des genoux, escalada les trois conduits. Tandis qu'il exécutait cette difficile ascension, il crut entendre des cris, puis une détonation. Une balle vint frapper, à quelques centimètres de lui, les briques du conduit qui volèrent en éclats. Ikoteruka, heureusement, était presque arrivé en haut. D'un dernier effort, il franchit les 2 mètres qui le séparaient de l'orifice de la cheminée et sortit sur le toit, juste au moment où de nouveaux projectiles jaillissaient de la cheminée. Une seconde de plus, et il était tué net. Toujours très calme, Ikoteruka bondit sur les tuiles rendues gluantes par l'humidité de la nuit et atteignit le toit de la maison voisine. Il se laissa glisser à plat ventre jusqu'au tuyau de gouttière qui lui servit à descendre dans la rue. À peine avait-il touché le sol que tout près de lui, des cris retentirent. Une demi-douzaine de Chinois, débouchant d'une porte voisine, foncèrent à sa poursuite. Ikoteruka prit sa course dans la direction du quai. Il l'atteignit bientôt et constata qu'il était absolument désert. Nul secours à attendre, et les Chinois arrivaient.